nous. Les roulements mettent en bas. Et je dis jour, bon Dieu, fais nous croiser. Yeah, yeah, yeah. Oui, nous fais semblant. Je t'entends l'indifférence. Hey, yeah. Venez, darling, venez, laissez-moi dire qu'on suit d'amis.